n'a pas de rôle. J'adore. Ah, oh, machiste adore. Je me brise au whisky glace, mais je courtise avec classe. Je m'allume en Malibu, malade pas beau quand j'ai trop bu. Ce magazine nous contamine, je préfère encore les fanzines. Pour la télé, y'a pas photo, je préfère Hervé qui fait l'idiot. Point de vue, image du monde à votre âge, c'est immonde de vivre sur le cul de ces individus qui n'ont pas plus à dire que Raoul sur sa tire. Je suis un machiste adore, et je sais qu'elle m'adore. Non, non, non, y'a pas de là. Oh, machiste adore. J'ai le mouvement en poche, et d'un pas pragmatique, je pratique la drague. Mais ma poitrine est imberbe, il faut y remédier. Pour jouer au salaud comme les fils de John Wayne, avec un long manteau à chapeau, non, pas la peine. Même les jeux difficiles, j'ai toujours les mots piles. Ici c'est un machiste adore, et je sais qu'elle m'adore. Non, non, non, y'a pas de rôle. Ah, oh, machiste adore. Machiste adore. Et je sais qu'elle m'adore. Non, non, non, y'a pas de rôle. Ah, oh, machiste adore. Macho, macho, machistador, macho, macho. J'adore. Macho, macho, machistador, macho, macho. Le mix de Ludo. Macho, macho, machistador, macho, macho. J'adore. Macho, macho, machistador, macho, macho. Le mix de Ludo. Allez, danse. Bon, puisque vous êtes là, vous le savez, c'est le mix de Ludo qui démarre jusqu'à 23h. Juste avant, c'était Jean Leloup avec 1990. Monsieur M, Mathieu Chédid, le premier single, Machistador. Dès sa sortie, ça a fait un carton. Et ça continue. Pour lui. Hein. Petit génie de la guitare. Moi j'espère que vous allez bien, que vous allez, que vous avez supporté cette grosse vague de chaleur. Ouais, chaud. Allez, bonne soirée, c'est Ludo qui vous emmène. Le mix de Ludo, le vendredi, le samedi, 21h, 23h.

faith. Travel the world in the seven seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world in the seven seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Travel the world in the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to see love you. Hold your head up. Keep your head up. Hold your head up. Keep your head up. Hold your head up. Keep your head up. Hold your head up. Keep your head up. Don't be shy, girl, go Vanessa. Shake your body like a belly dancer. keep looking for something I can't get. Broken hearts lie all around me and I don't see an easy way to get out of it. Her diary sits on the bedside table. The curtains are closed, the cat's in the cradle. And who would have thought that a boy like me could come to this? Gonna drop down to the floor. Now we need to speak up to the walls. Gonna get you coming right back for more. Tonight we gonna drop. can't reach her. My sexy Mona Lisa, can't tell if you gon' leave here or if you wanna stay. Girl, just ease up, don't yell at my two-seater. You say that you a freak up, but fall asleep at 8. Jesus, but you're perfectly dysfunction, know you crazy like my mama, mama. You won't see me with another lover, baby, uh-oh. You're just a little loco, like boats in Acapulco. I'm just riding the waves, baby, uh-oh. You're just a little loco, emotions like a yo-yo. But I love you that way, crazy like my mama, mama. Girl, you killing me. But you won't see me with another lover, baby, uh-oh. Just a little loco, like boats in Acapulco. I'm just riding the waves, baby, uh-oh. Just a little loco, emotions like a yo-yo. I love you that way, yeah. Oh, C'est Ludo qui vous emmène jusqu'à 23h. 2h de mix non-stop tous les week-ends. Loge vendredi et samedi, 21h-23h. Make

GFM, sur GFM, le mix de GFM, sur GFM, le mix de GFM, le mix de GFM, le mix de GFM, le mix de GFM, le mix de GFM, I'm not afraid to

or someone I was not. Freezing cold, I follow the wind like an arrow. It will lead me to you. I'm lost in the summer. Come on, be my baby. Don't be his friend, you know you're gonna wake up in his but nothing they could buy me made my heart whole. I've given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. Can someone tell me what is happening to me? You're my oxygen, now I can finally breathe. Didn't care for anyone until it was you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. Da da da da da da da da da da da da. Bonne soirée à l'écoute de Serge FM, c'est Ludo qui vous emmène. On a moins d'une heure encore à passer ensemble. David Guetta à l'instant. Crazy Love Can Do. I think I saw you. for a sky full of stars. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. Seek it lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. FM, sur GFM, sur GFM, sur GFM, sur GFM, sur GFM. Le mix de Ludo, le mix de Ludo, le mix de Ludo, le mix de Ludo, le mix de Ludo. Uprising, l'instant c'était Muse. Bonne soirée à vous, c'est Ludo qui vous emmène. Comme le monsieur va dire, le mix de Ludo c'est le vendredi et le samedi soir, 21h-23h. Ludo in the mix, Ludo in the mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. Allez, Sorgia FM. Petite dédicace. Petite dédicace à mes Normands qui nous écoutent aussi. C'est Lolo et mon petit Arthur, ça c'est pour vous. Bonne soirée à vous. Qui démarre, il suffira

tout à l'heure, nous avons eu le père. Voici le fils. Voici David Hallyday. Ouh là là. Dans les années 90. Black silk on satin skin. It's late night and it's hard as sin. We're gonna make it. Get hotter yet. C'est ainsi qu'on va terminer cette émission avec Europe Rock the Night 1989. Bonne soirée, rendez-vous demain, 21h-23h, pour un nouveau mix, le mix de Ludo. Ciao, ciao, bye bye, à demain. You don't know what you want.